À la caution prononcée pluriel, je ne lirai que les premières lignes et aussi les dernières lignes de le témoin de la liberté d'Albert Camus, philosophe français. Allocution prononcée pliée en novembre 1948 à un meeting international d'écrivains et publiée par la gauche le 20e décembre 1948. First and opening final paragraphs. Nous sommes dans un temps où les hommes, poussés par des médiocres et féroces idéologies, s'habituent à avoir honte de tout, honte d'eux-mêmes, honte d'être heureux, d'aimer ou de créer. Un temps où les cigarettes aussi. Un temps aussi. Anyway. Que. Ou même. Désolé. Respect pour le texte. Un temps où Racine rougirait de Bérénice ou Rembrandt. Pour se faire pardonner d'avoir peint la ronde de nuit, courait s'inscrire à la permanence du coin. Les écrivains et les artistes d'aujourd'hui ont ainsi la conscience souffre tous. Il est de mode parmi nous de faire excuser notre métier. À la vérité. Non, I do not want to cancel the recording. À la vérité, on met quelques ailes et nous y aider. De tous les Albert Camus, philosophe français. De tout pour ma website. Anyway. Camus dit que de tout, les coins de notre société politique, un grand, 1948, un grand cri s'élève à notre adresse et qui nous enjoint de nous justifier. Now, let's get this Scottish music off. My computer was doing something. Désolé de les interruptions. Très désolé. Il faut, dit Camus, nous enjoindre de nous justifier. Donc, dit Camus, qu'il faut nous justifier d'être inutiles en même temps que de servir par notre inutilité même de vilaine cause. Et quand nous répondons qu'il est bien difficile de se laver d'accusations aussi contradictoires, on nous dit qu'il n'est pas possible de se justifier aux yeux de tout. Où sont les cigarettes? Mais nous, que nous pouvons obtenir le généreux pardon de quelques-uns en prenant leur parti, qui est le seul vrai d'ailleurs, si on les en croit. Si ce genre d'argument fait non fou, on dit encore à l'artiste, voyez la misère du monde, que faites-vous pour elle? À ce chanteur cynique, l'artiste pourrait répondre, la misère du monde? Je n'y ajoute pas. Qui parmi vous peut-on dire autant? Mais il ne reste pas. La prononciation, c'est assez bien. Désolé, mais il ne reste, n'en reste pas moins vrai qu'aucun d'entre nous, s'il a de l'exigence, ne peut rester indifférent à l'appel qui monte d'une humanité désespérée. Il faut donc se sentir coupable de toute force. Nous voilà traînés au confessionnal laïque. Le pire de tout est la faim, parce que c'est la nuit et je suis fatigué maintenant. Albert Camus, ennemi de personne sinon les bourreaux. Le commencement de la fin. Le commencement de la fin du texte. Ce que je lirai maintenant. La musique. Waiting. See my friends, the Kinks. Excellent song. This song is, oh. See my friends. Les vrais artistes. Alors, according to, Camus dit que les vrais artistes ne font pas de bons vainqueurs politiques, car ils sont incapables, according to Camus, incapables d'accepter légèrement, je le sais bien, la mort de l'adversaire. Ils sont du côté de la vie, non de la mort. Ils sont les témoins de la chair, non de la loi. Par leur vocation, ils sont condamnés à la compréhension de cela même qui leur est ennemi mortel des personnes. Les artistes c'est my friends. Cela ne signifie pas, au contraire, désolé de la mauvais français, je suis irlandais. Je suis un poète. Mais cela ne signifie pas, au contraire, qu'il soit incapable de juger du bien, du mal. Les artistes, chez le pire criminel, leur aptitude à vivre la vie d'autrui leur permet de reconnaître la constante justification des hommes, qui est la douleur. Voilà ce qui nous empêchera toujours de prononcer le jugement absolu. Et par conséquent, de ratifier le châtiment absolu, selon Camus, dans le monde de la condamnation à mort qui est le nôtre, 1948, avec respect. Camus vivait dans un monde où dans le monde de la condamnation à mort qui qui est le nôtre, dit Camus, dit Albert Camus. Les artistes, témoins pour ce qui, dans l'homme, refuse de mourir, ennemi de personne. Sinon, les bourreaux, des bourreaux. Très important, j'ai écrit quand j'étais étudiant à la fac. Aucun problème. Mais c'est ce qui les désignera toujours éternel girondin, avec respect, aux menaces et aux coups de nos montagnards. Montagnards? Vive la France, le bel pays, à mon avis, aux menaces et aux coups de... Je suis désolé, en manchette, je ne comprends pas. Je suis étranger et je ne comprends totalement. Mais, manchette de lustrine? Mais après tout, cette mauvaise position... Oui, les cigarettes. Par notre son incommodité même... Selon Camus, fait leur grandeur. La musique. Et un jour viendra où tous les reconnaîtront et respectueux de nos différences, les plus valables d'entre nous, cesseront que leur vocation la plus profonde est de défendre jusqu'au bout. Vous savez bien le droit de leur adversaire. Je suis ouvert. Leur ennemi, adversaire, à n'être pas de leur avis. Vive la liberté. Qu'est-ce que... Oh. Ils proclameront, selon leur état, Bien sûr. Je suis fatigué maintenant, mais ce n'est pas un problème. Je suis. C'est quoi pour... Est-ce que c'est une question? Est-ce que je suis. La même chose, je ne sais pas. Anyway, renonce. Ils proclameront qu'il vaut mieux de tromper sans assassiner personne et on laisse parler les autres. Je suis désolé. La musique, changez la musique. Owen, est-ce que... Change la musique. Moi-même, change cette chanson. La musique. Mais ils proclameront selon leur état qu'il vaut mieux de tromper sans assassiner personne et on laisse parler les autres que d'avoir raison, la raison, en milieu du silence. Ils essaieront de démontrer, les artistes, que si les révolutions peuvent réussir par la violence, elles ne peuvent se maintenir qu'à... c'est à l'égard maintenant le texte à l'égard du dialogue car Camus a déjà dit dans ses textes même qu'il n'y a ma mauvais français, désolé. There is no life without dialogue. Camus has already said in the allocution prononcée, appelée, comme j'ai déjà dit à le commencement, mais ils ne sauront alors que cette singulière vocation leur crée la plus bouleversante des fraternités, celle du combat douteux et de grandeur menacée, celle qui, à travers tous les âges de l'intelligence, n'a jamais cessé de lutter pour affirmer contre les abstractions de l'histoire ce qui dépasse toute histoire et qui est la chair. Qu'elle soit souffrante ou qu'elle soit heureuse, toute l'Europe d'aujourd'hui, 1948, Liberté, Albert Camus, philosophe de la République française. Je suis irlandais, mais je vais en France de temps en temps pour des vacances. Mais toute l'Europe de ces jours-là, dressée dans sa superbe, leur crie que cette entreprise est dérisoire et vaine. Camus finishes. Il dit maintenant que nous sommes dans un monde. Mais nous sommes tous au monde pour démontrer le contraire.